بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، que toutes les louanges soient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tout l'univers et de ce qu'il contient, et que les bénédictions et les saluts d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Fa mabna din al-islam al-azim ala aslain. La religion de l'islam est bâtie sur deux points très importants. Amen. Allah ya'bad illa Allah wa Allah ya'bad Allah illa bima shara'. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré seul, et que l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, doit se faire selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celle-ci, le sujet d'aujourd'hui, c'est en ce qui concerne les conditions d'acceptation des actes en islam. Lorsqu'on fait un acte, en fait, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être basé sur quelque chose, une preuve qui provient soit du Coran, soit de la Sunna authentique, soit de l'action des compagnons qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafai rashidin al-mahdiin min ba'di addu alayha bin nawajid. Accrochez-vous-en à ma Sunna et à la Sunna des califes bien guidés. En ce qui concerne Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ajma'in. Et accrochez-vous à ma sonde avec les molaires. Pourquoi les molaires, en fait? Parce que ce sont les dents qui sont les plus solides. Lorsqu'on accroche quelque chose, c'est ce qui est le plus fort. Ce n'est pas maintenant ce qui est devant. Parce que ce qui est devant, même lorsqu'on prend de la viande, on utilise les dents qui sont plus derrière, les molaires, parce qu'elles sont plus fortes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette image de s'accrocher à sa sunna comme si que l'on mordait avec les molaires, très fort. Parce que les conditions d'acceptation des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, la personne elle doit être musulmane. La personne doit être musulmane. Il ne faut pas en fait que wahed, il est en fait influencé par les actions des gens qui ne sont pas des musulmans, qui font des bonnes actions qui sont apparentes. Mathalan, nourrir les pauvres, aider les pauvres, voilà, avoir des bons comportements, qui ne mentent pas. Ça, ce sont des bons comportements, certes, mais pour qu'une action soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il ait la récompense le jour du jugement, il faut que cette personne-là soit musulmane. Les preuves sont dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. La religion qu'Allah accepte, c'est l'islam. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa man yabtaghi ghayra al-Islam adina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ça ne sera pas accepté de lui, et le jour du jugement, il sera parmi les perdants. Aïcha radiallahu anha rapporte que j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, avant la venue de l'islam, c'est waqt al-jahiliya, pendant la période de la jahiliya, avant que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec le message. Donc avant la venue de l'islam, Ibn Jud'an maintenait les liens de parenté. Il avait un bon comportement avec ses parents, il gardait les liens de parenté. Et nourrissait les pauvres. Cela lui sera-t-il d'aumône, cela lui sera-t-il d'aucune utilité dans l'au-delà, yani, est-ce que ça lui servira? Est-ce qu'il sera récompensé le fait qu'il nourrissait les pauvres et qu'il maintenait les liens de parenté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, cela ne lui profitera pas, car il n'a jamais dit, ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés au jour de la rétribution. Le hadith est dans Sahih Muslim. Yani, qu'il ait gardé les liens de parenté et qu'il les donnait à manger aux pauvres, il n'aura aucune récompense auprès d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, yani, ya Rabbi yaghfir li dhunubi. Yani, oh Allah, pardonne-moi mes péchés pour Yom al-Qiyam. Et en fait, l'imam Nawawi, rahimahullah, dans le tafsir de ce hadith, il a dit, en effet, cette personne-là possédait des bons comportements. Mais cela ne lui profitera pas rien, en rien dans l'au-delà, car il était mécréant. Il a dit quoi? Il a dit, en ce qui concerne, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cela ne lui profitera pas, car il n'a jamais dit, ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés, au jour de la rétribution. Parce qu'en fait, Ibn Jud'an ne croyait pas au jour de la résurrection. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, il était mécréant, parce qu'il n'a pas accepté l'islam. Et le Qadhi Iyad, rahimahullah, a dit, les savants sont unanimes pour dire que les bonnes œuvres, yani les œuvres qui sont bonnes en apparence, par les mécréants qui font, ne leur serviront en rien, ils n'en obtiendront aucun délice et aucune diminution de châtiment, mais certains auront un châtiment plus douloureux en fonction de leur crime. Certains auront un châtiment plus douloureux en fonction de leur crime. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Tawbah, le verset 54. Mais je donne la traduction de sens du verset. Ceux qui empêchent leur aumône d'être acceptée, c'est qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Qu'ils ne se rendent à la prière qu'avec paresse. Et qu'ils ne dépensent en aumône qu'à contre-cœur. Ça veut dire que Yati ou fillah et Sadru fillah, en fait, c'est Ouma. C'est au-dessus de leur cœur. Tu vois, ils donnent, mais c'est juste bon, vas-y, parce que sinon, à chaque fois, il va venir me voir, il va me dire, donc vas-y, tiens, prends, parce que tu vois. Et ça, ça concerne en fait les hypocrites qui sont morts, comme on avait vu sur l'hypocrisie majeure. Ça veut dire qu'ils montrent l'islam, mais ils cachent le kofr, la mécréance. Et dans sourate Al-Furqan, verset 23, dans la traduction du sens du verset, nous avons considéré leurs œuvres et nous les avons rendues en poussière éparpillée. Il y en a le kefir, le yom al-qiyama, lorsqu'il va venir avec ses œuvres qu'il a faites qui sont bonnes en apparence, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les rendra en poussière, éparpillées. Parce qu'Allah, il l'a dit. Il a dit, « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ » Celui qui désire une autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui. Et il sera, le jour de la résurrection, parmi les perdants. Et puis surat Muhammad, le verset 8, dans la traduction du sens du verset, « Et quant à ceux qui ont mécru, malheur à eux, il rendra leurs œuvres vaines. » Ceux qui ont mécru, toutes les bonnes actions qu'ils ont faites en apparence, eh bien le jour de la résurrection, leurs œuvres, elles comptera pour rien. Yani, déjà la première condition, c'est que la personne doit être musulmane. C'est-à-dire qu'elle doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a dit que la religion de l'islam est bâtie sur deux points essentiels, qui est l'adoration à Allah seul et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فالأول تجريد التوحيد للعزيز المجيد والثاني تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. Donc premièrement, c'est à chaque fois réitérer le fait que l'adoration ne doit être qu'à Allah. Lorsqu'on dit l'adoration doit être qu'à Allah, c'est qu'on doit chaque fois renouveler notre attention, comme on disait, lorsqu'on vient pour faire une action qui est bonne, qu'on la fait que pour Allah, pas pour que les gens disent de nous. Et deuxième point, تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم, c'est que on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'action que l'on fait. Et on va donner différents exemples sur ça, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le dernier verset en fait, 110 de sourate Al-Kahf, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Qu'il fasse de bonnes actions. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir de ce dernier verset, dans Surat al-Kahf, il a dit, qui est le chapitre 18, il a dit, en ce qui concerne, « فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ » Donc, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur. Il a dit, « أَيْ ثَوَابُهُ وَجَزَاهُ صَالِحُ » C'est-à-dire qu'il veut, en fait, être récompensé. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, il souhaite être récompensé par Allah pour ce qu'il fait. Il va donner les conditions, c'est quoi ? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Qu'il fasse de bonnes actions. Et il a dit, وَالْعَمَلَ الصَّالِحْ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ Et l'action qui est bonne, tu veux être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala ? Tu dois faire une bonne action. C'est quoi l'action qui est bonne ? Ce qui est en accord avec la législation d'Allah. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ C'est-à-dire que, et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur, ça veut dire que, eh bien, tu ne le fais que pour Allah sincèrement, et pour personne d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans son explication ? C'est qu'il doit faire la bonne action, c'est ce qui est en accord, premièrement, avec la législation d'Allah, la sharia d'Allah, et deuxièmement, c'est que, sincère pour Allah, parce que tu ne veux qu'Allah en faisant cette action-là. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite ? Il a écrit en disant « وَهَذَانْ » ça veut dire, eh bien, ces deux points « رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ » ce sont les points, de la, yani, ce sont les conditions d'avoir les actions acceptées en islam. « La Buddha » il faut absolument « أَيَكُونَ خَالِسًا لِلَّهِ » que ça doit être sincère pour Allah « ثَوَابًا عَلَى شَرِيعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ » Donc, ça doit être sincère pour Allah et selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « فَجَمْعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ شَرْطِ قُبُولُ الْعَمَلِ وَهُمَ الْإِخْلَاصُ وَالْمُتَابَعَةِ » Donc Allah, dans ce verset, qui est le dernier verset 110 du chapitre 18 surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les conditions d'acceptation des actes en islam. Donc quelqu'un, il est musulman, il veut que ses actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être sincère pour Allah et selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les preuves maintenant dans le Coran et la sunna? Les preuves en ce qui concerne la sincérité pour Allah et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elles sont nombreuses dans le Coran et la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Et ils n'ont été ordonnés que d'être, yani que de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en étant sincères dans leur adoration, une pure sincérité. Et dans un autre verset, surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَا يَنَالُ اللَّهُ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Ce n'est pas leur chair ou leur sang, yani qui... qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous, yani lorsque vous égorgez par exemple un mouton, c'est pas son sang ou la sa chair. Il veut de vous que vous soyez pieux, que vous craigniez Allah comme il se doit. C'est ça qu'il veut. Parce que مثلا c'est l'Aïd, tu vois, et puis Aïd al-Afa, c'est pas مثلا la personne juste parce que les voisins ils ont acheté un mouton, donc on va acheter un mouton, on doit faire la tradition et puis on va nazbah et puis c'est tout. Et la personne elle prie pas et elle se fiche royalement de la religion. C'est pas ça. C'est pas ça qu'Allah il veut de toi. Allah il veut de nous qu'on soit pieux et qu'on craint Allah comme il se doit. Et fi sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wa tamkina fil bilad wa nasrati wa rif'ati fi ad-din wa man 'amila minhum bi'amal al-akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati nasib. Donc annonce yani à cette communauté de l'islam yani qu'elle aura yani un honneur et des victoires dans cette religion et que quiconque fait une action en fait une action qui à l'origine est pour l'au-delà quiconque fait une action à l'origine pour l'au-delà mais veut en fait quelque chose dans cette vie d'ici-bas, eh bien, il n'aura aucune récompense pour cela. Okay? C'est-à-dire, par exemple, tu fais une action de l'acte de l'au-delà. Par exemple, tu jeûnes. Mathalem. Okay? Tu vas jeûner, mathalem, je ne sais pas, moi, lundi ou à la jeudi. Donc ça, c'est un acte, une action pour l'au-delà. Okay? Mais en vérité, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens sachent que tu fais ça. Tu veux que les gens yoshkrouk sur ça. Ils te remercient. Yani, ils te disent, Masha'Allah, tu jeûnes. Tu vois? Et t'aimerais que les gens parlent sur toi en disant, regarde, tu vois ce que je veux dire? Yani, toi, tu fais une action de l'au-delà, mais tu veux une récompense des gens dans cette ville-ci, mais ben, tu n'auras rien en l'au-delà. Comme on avait dit dans yani, le compte Artifat al-Munafiqin, sur que la personne, lorsqu'elle viendra le jour de la résurrection, c'est hadith, ça, je donne le sens là, inshallah. La personne, lorsqu'elle viendra le jour de la résurrection pour recevoir les récompenses d'Allah, subhanahu wa ta'ala, toutes celles qui ont fait une action pour autre qu'Allah, c'est-à-dire que tu faisais une prière pour que les gens disent de toi, Allah t'en bénisse ta prière pour que les gens disent de toi, tu faisais une bonne action, pas pour Allah, mais pour les gens disent de toi, Allah, tu veux qu'ils te voient en disant, Masha'Allah, il est, tu vois. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dira à cette personne, va aller voir ceux à qui tu faisais ça et va voir s'ils peuvent te récompenser. Et ce hadith là que je viens de citer, il est rapporté, donc il est sahih, rapporté par l'imam Ahmed et le Hakimi fil Mustadrak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الله تعالى, donc ça c'est hadith qudsi, ana aghna shuraka'a 'an ash-shirk. فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو للذي اشرك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'autosuffit, n'a pas besoin que les gens lui associent quoi que ce soit. Et celui qui fait une action, donc c'est en lien avec ce qu'on a dit précédemment, celui qui fait une action pour autre que moi, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça, pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah se dissocie de ça, eh bien ce sera juste pour celui à qui il l'aura fait. Et donc cette personne n'aura aucune récompense. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Donc Abi Umama رضي الله عنه rapporte qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit: أرأيت الرجل غزا مجاهدا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر ما له. Ô messager d'Allah, as-tu vu celui qui part dans le sentier d'Allah pour combattre? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut en fait la récompense du fait qu'il va aller combattre, la récompense d'Allah du fait qu'il va aller combattre dans le sentier d'Allah. Mais il veut aussi que les gens se rappellent de lui en disant qu'il était courageux s'il meurt, tu vois. Donc il aimerait ça. Il aimerait qu'il ait la récompense de l'Ajran par le fait du jihad, mais il veut aussi la récompense que les gens disent qu'il est courageux. Tu vois. Qu'est-ce qu'il aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la shay'an lah, il n'aura rien du tout. فأعاد الرجل ثلاث مرات وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم له لا شيء له. Et à chaque fois, l'homme il est revenu trois fois de suite en lui disant, mais qu'aura-t-il comme récompense? Il veut avoir la récompense du djihad et il veut aussi que les gens se rappellent de lui, il était courageux. Qu'est-ce qu'il aura? Matarsim a dit, il n'aura rien dans les trois fois. Et ensuite, il a terminé en disant, إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. Allah n'accepte rien des actions, excepté, rien des œuvres, excepté ce qui était sincère pour Allah, et tu ne voulais qu'Allah avec ça. Tu faisais sincère pour Allah, tu ne voulais qu'Allah seul. Tu vois, tu n'es ni intéressé des gens, oh Allah, tu vois, qui vont me dire, oh Allah, qui ne vont pas te dire. Tu vois. Et donc, ce qu'il y a, ça, c'est en ce qui concerne quelques hadiths, mais bon, il y en a beaucoup plus, tu vois ce que je veux dire, en termes de sincérité pour Allah, s'entend, qui concerne le Coran ou le Sunna. En ce qui concerne maintenant al-mutaba'a, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, surat Hashr, وَمَا أَتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ. Ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, parce qu'il y a de nombreux versets dans cela. Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Regardez, subhanallah, c'est au présent. Man yuti ar rasoul, celui qui obéit au messager, a obéi à Allah. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, Allah subhanahu wa ta'ala commande le prophète en train de dire, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera alors, et vous pardonnera vos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre, ou l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'ils doivent faire attention qu'une fitna, en fait, ce sont des problèmes. Une fitna peuvent, yani, peuvent les toucher et ils auront un dur châtiment. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit à propos de la fitna, en ce qui concerne ce verset, eh bien il a dit qu'une personne qui continuellement s'oppose au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après que la preuve lui soit venue, c'est pas comme مثلا, une personne ne sait pas, tu vois. Une personne مثلا, elle comprend, les preuves lui sont venues, c'est clair pour elle, mais malgré ça, elle s'oppose et elle continue à s'opposer. Et bien si elle continue à faire ça, eh bien elle peut être touchée par une fitna. Et l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit que bien la fitna c'est quoi? Akhsha alayk min al-fitna, min al-zayr, min al-maut ala ghayr al-islam. Si tu as désobéi sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crains pour toi la fitna, les gros troubles, que tu meurs en dehors de l'islam, c'est-à-dire que tu meurs comme un, je sais pas moi, un juif ou un chrétien ou un bouddhiste ou là, je sais pas quoi, en dehors de l'islam, ou bien que tu tombes dans le shirk al-akbar, le polythéisme majeur, tu vas te mettre à adorer autre qu'Allah ou à lui associer quelque chose ou à même prendre des intermédiaires entre toi et Allah. Eh bien, une personne risque d'avoir ce châtiment dans cette vie-là et dans l'au-delà, eh bien, elle aura un châtiment aussi douloureux. Ça, ce sont les dangers. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari, rapporté par Abu Hurayra, radiallahu anhu, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Toute ma communauté entrera au paradis, excepté ceux qui refusent. » Les compagnons, ils ont dit, mais qui refusera? Yani, qui refusera au messager d'Allah d'entrer au paradis? Tu peux questionner n'importe quel musulman sur la planète, tu lui dis, est-ce que tu veux le paradis? Il n'y a personne qui va te dire non. Tout le monde, yani, veut le paradis. Tu vois? Qui va refuser au messager d'Allah? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. » Celui qui m'obéit est celui qui rentrera au paradis. Et celui qui m'est désobéi est celui qui refuse. Il n'est pas intéressé par le paradis. Celui qui refuse d'obéir au prophète, il n'est pas intéressé par le paradis en vérité. Exactement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Aisha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. » Celui qui invente un acte pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas partie de notre ordre, eh bien cet acte se verra rejeté, ne sera pas accepté par Allah. Et dans une narration de l'imam Muslim dans son Sahih, aussi selon Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre ordre, cet acte se verra rejeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama al-a'mal bi-niyyat. Les actes ne valent que par leur intention. Wa li kulli imri'in manawa. Et pour chacun, yani, son action sera vue en fonction de l'intention qu'il a eue. Fahmni? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Donc quiconque avait comme intention de migrer pour Allah subhanahu wa ta'ala et suivre son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il aura la récompense pour cela. وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا وَإِمْرَأَةٍ يَنْفِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Mais quiconque avait comme intention, pas en fait de migrer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est parce qu'il y aurait en fait un homme qui voulait en fait voir une femme à Médine pour se marier avec elle. Et donc le truc c'est quoi? C'est que celui qui fait la migration pour quelque chose de dunya, pour se marier, voilà, pour autre chose que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour suivre ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu seras récompensé en fonction de l'intention que tu as eue. Allah. Donc, maintenant, كيف تتحقق موافقة الشريعة? Comment en fait, eh bien, quelqu'un, il peut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon la législation d'Allah? Yani, ça c'est aussi un point important, parce que pour nous ça nous paraît évident. Mais souvent, eh bien, on oublie qu'il y a des points. Il y a 6 points dans ça. Inch'Allah. Lorsqu'on les comprend, eh bien si l'acte d'adoration est fait en accordance avec tous ces 6 points-là, eh bien l'acte il est prêt à être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toi tu as fait les causes. Tu as fait les causes. Et maintenant, j'espère qu'Allah accepte cet acte-là. Donc, كيف تتحقق موافقة الشريعة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم? Eh bien, la réponse, c'est que المتابعة لا تتحقق إلا بستة أوصاف. Le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se réalise que selon 6 points. 6 points. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في سببها. Que l'acte d'adoration soit en accord avec la législation d'Allah selon son origine. C'est-à-dire que il y a une preuve. Tu le fais à partir d'une preuve. وفي جنسها, dans son genre aussi. وفي قدرها, dans sa quantité. وفي كيفيتها, aussi dans sa façon. وفي زمانها, dans son temps. ومكانها, et dans son lieu. Et on va voir ça, Inch'Allah, dans le détail. Donc, premièrement, c'est que l'acte d'adoration, pour qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu le fais selon le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il doit être en accord avec ces 6 points-là. C'est pour ça que lorsque tu croises beaucoup de musulmans, n'importe où dans le monde dès que tu vois, surtout comme je disais par exemple Angleterre, Écosse, tu croises beaucoup de différents trucs et tout ça. En fait. Et tu dis aux musulmans, mais venez, qu'on se rassemble sur l'islam. Famille, ça sert à rien de faire toi ton groupe, je sais pas quoi. On est tous musulmans, Stéphane. On est tous musulmans. Donc on doit tous s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Famille, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y en a pas 36. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous tous à l'anse solide d'Allah et ne vous divisez pas. Il y en a beaucoup, ils ne veulent pas comprendre. La division et l'ehri, ce n'est pas quelque chose de bien. Allah, il déteste la division. Wallah et Allah, il déteste la division parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, il est authentique. C'est pour ça que lorsque tu questionnes un musulman, qu'est-ce que tu suis? Il va te dire, je suis le Coran et la Sunna. Mais dans les actions qu'il fait, tu te dis, mais subhanallah, où est-ce qu'il est le Coran et la Sunna? Comme je disais, il y en a qui mettent là-bas, ça c'est en Écosse. Comme je disais, il y a un groupe qui s'appelle les Brelvi, ils proviennent du Pakistan. Eh bien, ils fêtent le Maulid Nabawi, on va en parler sur ça. Ils mettent une chaise en fait au centre de la mosquée et ils dansent autour. Et ils disent en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient s'asseoir sur cette chaise-là. Et si tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Tu suis quoi? Tu suis quoi? Il va dire, je suis le Coran à la Sunna. Tout le monde, ils vont me dire, je suis le Coran à la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, افترقت اليهود على 71 فرقة. Les juifs ils se sont divisés en 71 groupes. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. وستفترق امتي على 73 فرقة. كلها في النار الا واحدة. Et ma communauté se divisera en 73 groupes, tout en enfer excepté une. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. Il a dit, la seule qui sera sauvée, ce sera celle qui sera sur ce que je suis, moi et mes compagnons aujourd'hui. Parce que c'est ça l'islam qui a été révélé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est ce qui a été révélé il y a 14 siècles. C'est pas un islam, yani que les gens ils vont inventer du nouveau truc, voilà, drachno. Et on va voir ça dans le détail, inshallah. Donc, premier point, c'est que l'acte d'adoration que l'on fait doit être en accord avec la législation d'Allah selon son origine. فإن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة مبنية على سبب لم يثبت به الشرع فهو عبادة مردودة. Donc si un n'importe quel musulman il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec un acte d'adoration qui n'est pas basé sur une législation du Coran et de la Sunna, eh bien cet acte il sera rejeté. Il perd son temps. Il perd son temps. Comme par exemple, il y a des gens, ils vont célébrer le Maulid Nabawi. D'abord, c'est Rabi' al-Awwal, ça va arriver. On va finir le mois de Safar, Rabi' al-Awwal, il va entrer. Et donc, les gens, ils vont commencer à célébrer Yahtaflu, bil Maulid Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on verra aussi de ce point-là. Ou bien, il y a des gens qui vont Yahtaflu du 15e jour de Sha'ban. Parce qu'ils disent que c'est là où il y a eu l'Isra ou le Mi'raj. Et donc, ils célèbrent. Mais il y a une question tout le temps simple. Mais lorsque les gens ils veulent faire ça, qu'est-ce qui empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons, je suis né ce jour-là, et bien on va célébrer ça. Il ne l'a jamais fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a jamais fait. Il n'y a aucun hadith sahih, même pas zaif, même pas maudoua. Ni authentique, ni faible, ni inventé. Il n'y a rien sur ça. C'est venu d'où ? C'est venu en fait, comme on verra, au 4e siècle après l'Hégire. Yani après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après en fait les trois meilleures générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon temps, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après eux. Dans toutes ces meilleures générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était les meilleurs, ça n'a jamais existé ce genre de truc. C'est arrivé en fait au 4e siècle après l'Hégire par une secte appelée Al-Fatimiyin. C'est en fait les Shi'as d'aujourd'hui. Ils ont instauré ça au 4e siècle après les Tabi'in et Atba'at Tabi'in, tu vois. Et en disant en fait, ben nous on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc en célébrant, et ben, on lui prouve de l'amour. Mais le réel amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de suivre sa sunna. L'imam Malik rahimahullah, il a dit, عن ابن مجاشون ابن مجاشون رحمه الله الذي سمعت مالك يقول j'ai entendu مالك يعني الإمام مالك qui était l'imam دار الهجرة ça veut dire l'imam de la maison où il y a eu l'émigration à Médine ça veut dire c'est le grand imam de Médine c'est un très grand savant il a dit من ابتدع في الإسلام بدعة qui invente innove dans la religion il innove يعني quelque chose qui ne fait pas partie de ni du Coran ni de la Sunna ويراها حسنة. Et il voit qu'elle est bonne. Il dit, c'est quoi le problème ? C'est aucun mal, je suis personne. Je pense que c'est bien. Mais il n'a aucune preuve, en fait. Donc, qui invente quelque chose dans la religion ? Et il voit, lui, il voit qu'il n'y a pas de problème, c'est bien ça, de faire ça. فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَانَ الرِّسَالَةِ. Eh bien, il prétend que le prophète, صلى الله عليه وسلم, a trahi le message. Ensuite, il dit, لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ اليوم اكملت لكم دينكم parce qu'Allah dit dans sourate al-Maida donc chapitre 5 verset 3 aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. La religion elle est complète. Allah il dit qu'elle est complète la religion. Yani si elle est complète ça veut dire que tu n'as plus rien à rajouter et tu n'as plus rien à retirer, c'est complet. C'est comme si par exemple vous voyez cette pièce là, on l'a remplie de livres tout en entier. Si bien que dès que tu ouvres la porte, tu n'as plus de place, tu vois, elle est remplie. Ça y est, tu n'enlèves rien et tu retires rien. Yani, tu ne peux pas rajouter parce que c'est déjà complet. Et tu n'as pas à retirer parce que c'est ça la religion. Tu vois? Et donc il a dit, parce qu'Allah a dit que aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a terminé en disant ? Il a dit, فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذَنْ دِينَ لَا يَكُنَ الْيَوْمَ دِينَ. Ce qui n'était pas une religion du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera jamais une religion aujourd'hui. Ne sera jamais une religion aujourd'hui. Ce là, n'importe là, c'est quelque chose de général qu'il avait dit l'imam Malik. Ce qu'il avait dit l'imam Malik, c'est quelque chose de général sur tout ce qui en fait est inventé. Et on va voir en fait la définition de c'est quoi exactement. Mawlid al-Nabawi. Hey, bah, ils font l'âme là, oui, mais yani, la preuve c'est quoi? C'est que si ça c'est un acte qui est bien. Oui, mais ça c'est le mouchkla, c'est quoi cette chose? C'est que Izaken, mathalan, yani, les meilleurs des gens, le prophète Hassan il a dit, Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Donc les meilleurs des gens sont ceux de mon temps, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème c'est quoi aussi avec le Mawlid Nabawi? C'est que les gens ils sont pas sûrs de la date. Il y en a qui pensent que c'est le 8e jour de Rabi' al-Awwal, d'autres qui pensent que c'est le 12e jour. Il y avait même une histoire rapportée par l'imam Ibn Kathir rahimahullah sur un roi qui voulait fêter en fait la mort du prophète, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains ulama ont même dit que eh bien, le jour de sa mort, c'est même le jour de sa naissance. Donc les gens, ils fêtent quoi? Ils fêtent sa mort ou voilà, sa naissance? Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le lundi, il a dit, c'était le jour où j'étais né. Donc, celui qui veut, yani, sur la sonne, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne le lundi. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il jeûne le lundi et le jeudi. Lundi et jeudi. Mais rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses compagnons, j'étais né, on va célébrer ça. Ou bien les compagnons après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu les Ashar Mubashirin bil Jannah, il y en a encore plus qui ont été Mubashirin bil Jannah, tu vois. Mais c'était ses compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Ils n'ont jamais fait cette pratique. Jamais. Ils sont morts, radiallahu anhum ajma'in, ils n'ont jamais fait cette pratique. Les tabi'in, ce sont ceux en fait qui ont vu les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc eux, ils auront bien pu dire, les tabi'in, ils auront bien pu dire que ben, nous on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on va faire ça. Ils ne l'ont jamais fait. Atba' al-tabi'in, ce sont ceux qui ont suivi les tabi'in, ça veut dire ceux qui sont venus après les tabi'in, qui ont vu les compagnons, mais qui n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, ils n'ont jamais fait ça. C'est arrivé en fait au 4e siècle, après Al-Qurun Al-Mufaddala, après les siècles, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'étaient les meilleurs. Maintenant, si une personne, elle veut taqra sirah nta' Rasul sallallahu alayhi wa sallam, elle veut lire la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la fin, on fait comme ça, on va aller la lire. Ensemble ou quelque chose, quelque chose. Samedi et dimanche. Je veux bien entendre l'ikhtilaf. Mais penses-tu que Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, du haut de ses 7 cieux, il révèle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous différez en quelque chose, retournez-le au livre d'Allah comme Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous aurez la solution. In kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsqu'on va retourner, mathalan, une différence d'opinion, mathalan. Je crois qu'il y a quelque chose qui sont restés comme ça. Sans... Il y a une solution. C'est pas hada ok ou hada ok. Si mathalan les hadiths, ils sont mawjoudin, ils sont sahih ou kol shay. Mathalan, je donne un mathal. Certains ulama, lorsque tarfa' min ruku', lorsque tu te lèves de la prosternation? Non, prosternation c'est sujoud, non? L'inclinaison, barakallahu fik. Lorsque tu te lèves de l'inclinaison. Lorsque tu dis sami Allah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamd, hamdan katiran tayyiban mubarakan fik. certains disent, tu les laisses yani, selon tout le long du corps, lorsque tu reviens, d'autres disent, tu les laisses sur ta poitrine. Eh bien, il y a eu un ijtihad ici, sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu dois laisser en fait tous les os revenir à leur place. Donc, certains ulama ont dit, ben, en étant comme ça, tu ne peux pas avoir tout à leur place, parce qu'il faut que, si tu es comme ça, il faut qu'à leur place, donc ils soient comme ça. Et puis d'autres ont utilisé une autre riwaya d'un compagnon qui disait que nous avons été interdits de laisser nos mains comme ça durant la salat. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'ils se tiennent en fait sur des preuves. Donc on ne va pas dire quelqu'un qui veut, après l'inclinaison, il met comme ça, voilà, comme ça, on ne va pas lui dire c'est faux. Parce que là, il y a ça se tient sur les preuves. Maintenant, en ce qui concerne sur ça, c'est que si on sait qu'on va se faire juger le jour du jugement dernier, on sait qu'on devra rendre des comptes. Pourquoi tu as fait ça? T'as fait ça parce que c'est un danger. Hein. Vous savez que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va mettre sa main dans sa rivière Al-Kawthar, afin que les musulmans viennent et ils boivent et puis ils ne seront pas soifés du tout, ceux qui inventent des choses, c'est pas maintenant que tu fais quelque chose, il n'y a qu'une preuve, un délil, mais tu l'as fait en croyant que c'était bien. Eh bien, il y aura des barrières qui vont se mettre. Tu ne pourras pas atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reconnaîtra sa umma avec les traces d'ablution, il dira à ceux-là, ils font partie de ma communauté. Et les anges diront, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi et changé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, sahqan, sahqan liman loin de moi pour celui qui a inventé et changé. Le hadith il est sahih. Donc ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que si dans n'importe quel... La semaine prochaine, on veut, par exemple, je donne un exemple, on veut parler sur la biographie du prophète Mohammed. Il n'y a aucun mal, c'est très bien. C'est parmi les choses qui sont très très bien. Le problème, il est où? C'est si je vais dire, je vais attendre, Rabi al-Awwal ou la date ou quoi que ce soit, ce jour spécifique-là, je vais parler que de ça. Pourquoi? Pour me rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour honorer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ça commence à... C'est-à-dire, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux le faire ce jour-là? Pourquoi tu ne le fais pas maintenant un jour avant, voilà, je sais pas quoi? Tu veux le faire ce jour-là, pourquoi? Parce que tu penses que tu le fais en accord avec le jour de la célébration. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça commence à être autre chose. Est-ce que les compagnons, ils faisaient ça? Les compagnons n'ont rien sur ça. Sahaba, est-ce qu'ils faisaient ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُشَاقَقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Celui qui oppose le messager, qui fait scission avec le messager, après que la vérité lui soit parvenue. Wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, et suit autre que le chemin des croyants. Qui sont les croyants le temps de la révélation du Coran? C'est qui? C'est les Sahaba. C'est eux les croyants qui étaient présents durant la deux. Wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, et qui suit autre que les croyants? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Et bien celui qui ne veut pas suivre leur chemin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils les châtiront d'un châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith est authentique, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمْ بِهِ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتَكُمْ بِهِ. Je n'ai rien laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je n'ai rien laissé que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de quelque chose afin que tu te rapproches d'Allah, excepté que je vous ai donné un savoir dessus. Je vous ai informé dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite a dit, وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. Et je n'ai rien laissé qu'Allah vous a interdit, excepté que je vous ai mis en garde et je vous ai interdit de faire tel ou tel truc. Et donc c'est clair. Abu Dharr, radiallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه علما. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas même un oiseau qui tourne ses ailes dans les cieux, excepté que le prophète nous a donné un savoir dessus. Ça veut dire que le prophète, il a donné un savoir sur toutes les choses. Tu veux te rapprocher d'Allah, tu veux être récompensé par un acte que tu fais, eh bien, si tu le fais avec les preuves qui sont dans le Coran et la Sunna authentique, alhamdoulilah, tu as une preuve. Donc, c'est une condition d'avoir l'action acceptée. Mais si, par exemple, tu n'as rien, c'est pas un tas, tu prends une pièce et puis tu te dis, bon, on verra si ça va l'être ou pas. Non, et subhanallah, Allah, il dit, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Et ça, c'est la religion d'Allah. Aujourd'hui, je n'ai pas achevé pour vous pour votre religion. Et lorsqu'Allah dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ Et celui qui veut autre que la religion d'Allah. La religion d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Et l'islam, c'est lequel? C'est celui qu'Allah a légiféré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, inshallah, mais on va revenir dessus, inshallah, pour pas... que je veux voir les points, ensuite, inshallah, on va revenir sur les différents points. Et donc, premièrement, c'est que l'acte d'adoration, il doit être en accord avec la sharia sur son origine. Ça veut dire que tu dois une preuve. Si tu fais quelque chose, tu dois te dire pourquoi tu fais ça. Elle est où ta preuve? Eh bien, par exemple, si tu fais après la salat, mathalan, je récite 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar. Pourquoi tu récites 33 fois? Ah, la preuve, elle est là. Le hadith est authentique, sahih. Tu vois? Pourquoi tu récites ayatul kursi après la salat? Ah, la preuve, elle est là. Tu vois? Pourquoi tu récites qulullah ahad et qulullah rabbul falaq et qulullah rabbun nas après la salat? Eh bien, je le récite parce qu'il y a une preuve et la preuve, elle est là. Tu vois? Donc, alhamdulillah, en plus, tout est. Tu vois? Donc, s'il y a, c'est que tu as une preuve. Tu ne l'as pas ramené. Mais, une personne qui fait un acte, qui la ramène de sa poche, par exemple. Par exemple, comme fêter le 15e jour de Sha'ban. Ça n'est jamais arrivé du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois qu'il aurait fêté Enta'a al-Isra ou al-Mi'raj. Pourquoi les gens font ça? Mais après, ça fait des cas extrêmes, comme je vous disais, avec l'histoire de la chaise. Les gens, ils mettent une chaise et ils disent, le prophète, il vient et s'assoit là. Et toutes les mosquées qui sont brelvies, ils font comme ça. Ils mettent tous une chaise au milieu et tous ils dansent. Et ils mettent des guirlandes et des trucs, tu vois. Et puis, ils dansent et ils font des repas. Tu vois. Subhanallah. Le vrai amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son suivi. C'est-à-dire que lorsque tu fais tout pour... Yani, on va mourir, on va peut-être appliquer wallahu a'lam, peut-être 1% de sa sunna. Pourquoi alors on va essayer de chercher les trucs qu'il n'a pas fait? Ça sert à rien. La personne a perdu son temps et elle n'est pas récompensée. Et le jour du jugement dernier, elle risque de ne pas bénéficier... Yani de boire de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait une preuve. Deuxième point, an takuna al-ibada muwafaqat li-shari'a fi jinsiha. Que l'acte d'adoration que tu fais, il doit être en accord avec la législation d'Allah, selon son genre. Ça veut dire quoi selon son genre? Par exemple, le jour du Eid, l'Afha, lorsque on immole, yani immole, c'est un mot, nafbah yani. On égorge, barakallahu fik. Le mouton, voilà. Eh bien, tu dois égorger, en fait, le même genre d'animal. Que ce soit mouton, voilà, bélier, voilà, femtni, voilà, vache, femtni. C'est dans le même genre. Mais si une personne, elle veut égorger un cheval, par exemple, en croyant qu'elle va se rapprocher d'Allah en faisant ça, eh bien, ça ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que le genre est différent. Les chevaux, ça fait partie du genre des équidés. Femtni. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, les chevaux, c'est un autre genre. Mais ça rentre pas dans le genre, le mouton et ce qu'on avait dit. Donc celui qui en fait qui fait un autre genre, eh bien son acte d'adoration n'est pas accepté. An takuna al-ibada muwafaqat li-shari'a fi c'était quoi le troisième point que je voulais dire? Qadriha. Je crois que c'est qadriha avant. On était fi jinsiha, c'était son genre. Voilà. Le troisième point, an takuna al-ibada muwafaqat li-shari'a fi qadriha, dans sa quantité. فلو أن الإنسان صلى الظهر ستة، par exemple، la personne elle dit، je crois que si je fais six rak'at de dhuhr، je crois que c'est mieux، j'aurai plus de récompense que quelqu'un qui prie quatre، tu vois؟ Donc là il a changé dans la quantité. La sunna qui est authentique c'est 4 rak'at de dhuhr. Mais la personne elle dit je crois que c'est mieux si، eux ils prient quatre، moi je vais faire plus، je vais faire plus que، donc ils croient qu'en faisant plus ça va être mieux. Eh bien, celui-là, eh bien, son acte ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que il n'a pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de le faire. En ce qui concerne, donc par exemple, la quantité, on disait par exemple, tu vois, par exemple, comme quelqu'un qui veut faire son oudou, au lieu de faire trois fois il lave ses mains, c'est-à-dire ce bras-là, ou Fabni, trois fois son visage, il dit je veux le faire cinq fois, voilà, quatre fois. Eh bien, ce ne sera pas accepté. D'ailleurs, il y a même un hadith authentique sur ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, c'est comme ça mon oudou, en montrant les trois fois. Et il a dit, et celui qui fait plus que ça, eh bien, il deviendra injuste, et il ne sera pas récompensé pour ça. Son oudou n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut faire plus, il veut faire quatre. Délibérément, Mouchma Salam est une personne qui oublie. Une personne délibérément, elle pense, non, 4, je crois que c'est mieux. C'est mieux que 3. Voilà qui marche pas là, tu vois. Donc, on avait dit que pour que l'acte d'adoration soit accepté, l'acte il doit être en accord avec la législation d'Allah selon son origine, c'est-à-dire qu'il y a une preuve. Selon son genre, c'est-à-dire que ça doit être le bon genre, yani, par exemple d'animaux pour l'acte d'adoration qui est comme l'esbir. Selon sa quantité, c'est-à-dire on ne fait pas 6, soit là, on fait comme le prophète Hassan l'a fait. Selon sa manière, dans sa manière, dans sa façon de la faire. Par exemple, si la personne, elle a accompli l'acte d'adoration, donc d'une part elle a une preuve sur ça, ensuite elle le fait selon sa quantité, mais la manière elle change. Par exemple, une personne qui veut faire son wudu, elle veut commencer à se laver les pieds, ensuite la tête, ensuite les mains. Ensuite, donc son wudu il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi l'ordre. Il y a un ordre. On commence, yani, avec tout ce qui est visage, les pieds c'est en dernier. Mais si une personne elle veut commencer par les pieds, eh bien ce ne sera pas accepté. Ou si une personne, maintenant, elle est en train de trier, et elle commence à faire un soujoud avant de faire une raka'a, tu vois. Ou commencer directement par la raka'a au lieu de commencer à être debout. Donc elle a changé dans la façon comment elle le fait, dans la manière, et eh bien cet acte ne sera pas accepté. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها. Que l'acte d'adoration que la personne a fait, elle est en accord avec la législation d'Allah dans son temps. Par exemple, une personne elle veut prier le dhuhr qabl al-zawal, avant que l'heure du dhuhr entre. Quand est-ce que l'heure du dhuhr entre? Lorsque vous plantez un bâton au sol, et lorsque le soleil il est au zénith, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre dans ce bâton-là. L'heure du dhuhr entre lorsque vous commencez à voir un peu d'ombre qui sort. Eh bien, ça y est, l'heure du dhuhr est entrée. Eh bien, si la personne elle veut prier avant que l'heure du dhuhr est entrée, sa prière n'est pas acceptée. Yani, ce qu'on dit avant, c'est qu'elle n'a pas une excuse. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce qui concerne celui qui voyage, qui rétrécit ses salettes en deux rak'at, et qui les rassemble. Ok, le hadith est dans le Bukhari et Muslim. On peut trouver dans le Al-Marjan, le Matkafaka al-Sheikh. Donc, ce qu'il y a, c'est que la personne, par exemple, si elle est sortie avant l'heure du Zohr, ok, eh bien, elle sort et elle peut, à l'heure du Asr, prier le Zohr avant et ensuite le Asr, deux rak'at. Ok, ça veut dire deux rak'at Zohr, salamu alaykum, rahmatullah, salamu alaykum, rahmatullah. Ensuite, elle se lève et elle fait l'intention, elle n'est au sa tête qu'à prier le Asr, ensuite. Donc, là, c'est une exception qui a été légiférée. Mais si une personne... Non, pour travailler, non, c'est pas valable. Ce qui est valable, c'est dans le voyage. C'est ça qui est légiféré. Non. Ouais, les ulémas, après, bon, ils ont dit, lorsque ça commence à dépasser 80 km, mais après, ça peut faire rentrer. En général, c'est 80, à partir de 80. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que la personne, elle essaie de... Lorsque, à peine elle a une pause, comme disait le frère Barakulofi, lors de la khutbah, c'est qu'à peine il y a une pause, c'est ça qu'elle essaie de trouver. Parce que le waqt n'ta'a dhuhr, c'est pas, mathalan, juste lorsque c'est l'heure du dhuhr. Ça y est, 14h, mathalan. Waqt dhuhr. Et après, 14h, c'est plus waqt. Non, c'est pas ça. L'heure du dhuhr, c'est à partir de, comme on avait dit, lorsque il y a l'ombre qui commence à apparaître, jusqu'à un peu avant le asr. Tout ça, c'est dhuhr. Disons, mathalan, l'adhan, c'est 14h56, ok? Donc, avant que l'heure de l'adhan vienne, la personne, elle peut prier son dhuhr. Si elle est dans des incapacités de venir à la mosquée, je veux dire. Elle travaille, elle trouve une pause, elle a tout son... Ensuite, l'heure du asr, yani, c'est jusqu'à un peu avant le maghrib, avant qu'il y ait la couleur rouge dans les cieux. Eh bien, elle a tout ce temps-là pour prier le asr. Et ensuite, donc, et ainsi de suite, à peine qu'elle a trouvé un peu de temps, tu vois ce que je veux dire, eh bien, elle essaie de faire en sorte que, en fait, la personne, elle doit essayer de faire ça. Mais, il ne faut surtout pas faire un ta, rassembler toutes les prières le soir. Non, mais je veux dire, il y a bien une pause. On n'a pas le droit. Il n'y a pas de pause du tout. On n'a pas le droit. On n'a pas l'autorisation. Voilà. Là, si tu fais la prière, tu restes chez toi. Non mais chouf, moi ce que je vais dire c'est que moi je ne vais pas dire ok vous faites ou là, vous ne faites pas, je ne vais pas dire ça. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala qal, Rabbi subhanahu wa ta'ala qal, inna salat, Rabbi subhanahu wa ta'ala qal, inna salat kanat al-mu'minin kitab al-mawkut. La prière a été prescrite aux croyants à des heures précises. D'accord. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que, bon, moi je vais me renseigner, Inch'Allah, sur le Mashiach. Mais si, Mathalan, toi, Mathalan, yani, tu as un travail, et que la personne t'empêche, Fabni, yani, d'appliquer, Mathalan, ton dîme, ta religion, quoi, le chef, le mieux, tu sais, de trouver un autre travail, c'est tout. Wallah. Mais parce qu'après, tu vois, bon, de toute façon, moi je vais l'expliquer, yani, Inch'Allah, au Mashiach, Inch'Allah, sur ça. Mais après, parce que le truc c'est quoi? C'est que Rabbi subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, Allah yani Allah lui donnera une solution à son problème. Et voilà, et il lui donnera en fait un risque d'où il n'imaginait même pas. Parce que le razzaq c'est Allah. Je termine avec le dernier point et puis on continuera demain inchallah parce qu'on n'a pas eu le temps. Le dernier point c'est quoi? An takuna al-ibada muwafaqat li-shari'a fi makaniha. Que l'acte d'adoration soit en accord avec la législation d'Allah selon son lieu. C'est pas, par exemple, quelqu'un qui veut yawm Arafa pendant le Hajj, il doit être à Arafa, mais il dit bah, moi je préfère être à Muzdalifa. Donc, il n'est pas dans le correct lieu, son acte d'adoration n'est pas accepté. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-Hajj Arafa. Pour avoir le hajj accepté, tu vois, le hajj c'est quoi? C'est Arafa, c'est être à la station de Arafa, tu vois, c'est être présent là-bas. Mais si la personne elle dit, moi je préfère être à ce lieu-là, je vais attendre que les gens ils partent et ensuite je vais venir, tu vois, eh bien c'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant dans le lieu. Mais Inch'Allah, demain on va, je comptais faire un autre sujet, mais on va terminer sur ce sujet-là demain Inch'Allah et on commencera Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك